Bonjour, bonsoir et bienvenue à la première émission de C'est à ton tour. Mon nom est Kevin Laramie, votre animateur pour cette nouvelle balado-diffusion qui est entièrement dédiée au Tour de France et au cyclisme. On verra après le tour, mais pour l'instant, c'est l'heure du tour. Le samedi 7 juillet commence le Tour de France, la plus grande course de vélo sur la planète, le moment où tous les yeux du monde du cyclisme sont rivés devant le même écran. Et regardez, la même course, les meilleurs cyclistes du monde parcourront l'Hexagone. 3351 km en 21 étapes pour déterminer un gagnant. Un maillot jaune, un maillot vert, un maillot à pois et un maillot blanc. J'en ai déjà des frissons. C'est une édition du Tour de France qui est, je dois vous l'avouer, très intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, on va terminer l'émission avec la controverse de Chris Froome. Je ne veux pas en parler tout de suite. Je veux parler du Tour au complet. Je veux parler du parcours, des prétendants, les équipes, les étapes clés. Et ensuite, on parlera de Chris Froome et de la controverse dans laquelle le Tour va s'ouvrir ce samedi. Mais pour commencer, bienvenue à C'est à ton tour. Commençons tout de suite par parler un petit peu de cette édition 2018 du Tour de France qui ne commencera pas non avec un chrono et non plus un prologue, comme on a eu l'habitude plusieurs années. Une étape en ligne, 201 km de Noirmoutier en Lille à Fontenay-le-Comte. Une étape pour peut-être sprinter, mais comme vous savez, ou si vous ne le savez pas, ben vous le allez savoir maintenant, le Tour de France débute en Vendée, sur le bord de l'Atlantique. Donc, qui dit côte, qui dit proche de la mer, qui dit Vendée, dit vent, dit peut-être bordure, échelon, et surtout, perte de temps peut-être impressionnante. Déjà, l'étape numéro 1, une étape, premièrement, probablement pour les sprinteurs, mais il suffit de quelques coups de vent et un échelon, et si les sprinteurs ne sont pas au devant du peloton, ils se retrouvent écartés, ils ne pourraient peut-être pas faire la jonction et terminer l'étape en premier. Donc, regardons un peu le parcours. Un parcours qui a été dessiné un petit peu différemment par les organisateurs, par le Amaury Sport Organization, ASO, mieux connu sous le nom, qui est l'organisateur de cette course, qui est, comme vous savez, la plus grande course de vélo, le plus grand tour. Il y a trois grands tours dans le monde. Il y a le Giro d'Italie, le Tour d'Italie, qui a lieu au début mai tous les années. Il y a aussi le Tour de France au début juillet. Cette année, dû à cause de la Coupe du Monde, le Tour de France débute un petit peu plus tard qu'à l'habituel. Donc, on pourrait s'attendre encore à des températures excessivement chaudes dans les Alpes et les Pyrénées au cours des prochaines semaines. Et aussi, il y a le Tour d'Espagne, mieux connu sous la Vuelta a España, plus tard dans la saison, vers fin août et septembre, pour la Vuelta a España. En passant, présentement, le champion défendant de tous les grands tours est Chris Froome. Chris Froome a gagné le Tour d'Italie en 2018. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, Chris Froome était quatrième jusqu'à la 19e étape. Il n'était pas nécessairement un prétendant jusqu'à une attaque solo 80 km avant la fin de la 19e étape. Un gain, 4 minutes et le maillot rose pour Chris Froome. Chris Froome est aussi le champion défendant du Tour d'Espagne de l'année dernière et du Tour de France aussi. Le grand chelem de Chris, le grand chelem à la Froome, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, lorsqu'il détient maintenant les trois tours, le grand tour. Évidemment, il y a toujours les suspicions par rapport au Tour d'Espagne de l'année dernière, et on va terminer l'émission avec ça, avec le salbutamol, expliquer tout ce que ça fait, et expliquer un peu les conséquences et tout. Continuons avec les étapes. Je ne passerai pas toutes les étapes un par un, mais juste pour vous mentionner qu'il y a quelques nouveaux essais. Il y a des nouveaux cols, il y a des nouveaux départs. Si on regarde l'étape numéro 17, qui est une grille de départ style Formule 1, avec les 20 premiers au classement général qui seront isolés seuls au départ, un vrai départ, 65 km, pas de départ fictif cette fois-ci, un vrai départ, et ce sera des feux d'artifice sur les routes, je vous dis, en cette journée. Mais continuons un petit peu avec ce que je pense seront les étapes clés. Il y a 21 étapes, on ne commencera pas à parler des 21 étapes, mais les 9 premières étapes ne sont pas vraiment en montagne. Il y a un mur, oui, le fameux mur de Bretagne qu'ils vont passer deux fois à l'étape numéro 6, Et c'est là que je vous amène. Regardons l'étape numéro 6 tout de suite, qui se termine au mur de Bretagne, qui est, selon moi, le premier endroit pour les prétendants pour peut-être exprimer leur genre et leur capacité physique dans le Tour de France 2018. Donc, c'est Brest-Mur de Bretagne-Kerleda. Mur de Bretagne, il y a un circuit qui commence au Mur de Bretagne, il se terminera au Mur de Bretagne. Donc, deux fois dans les derniers 16 km, le Mur de Bretagne sera gravi. Et pour moi, le Mur de Bretagne est un classique. C'est un classique, oui, parce que c'est un parcours de classique. C'est quelque chose qui est très, très printanier, je pourrais vous dire. Je me rappelle soit les classiques ardennaises ou les classiques françaises ou belges. Course d'une journée classique, les monuments du vélo, on pourrait parler même. Mais le Mur de Bretagne, quand même assez impressionnant. 2 km, 6,9%. C'est pour ça qu'on appelle ça un mur. C'est très court, mais quand même abrupt. Et n'est pas nécessairement pour favoriser un grimpeur. Vu que c'est une arrivée au sommet, il y a quand même au sommet, c'est vite dit, une arrivée en colline. Vu que c'est une arrivée en colline, il y a quand même peut-être des chances de créer un petit jeu de temps. Si je suis un puncheur, exemple, un Philippe Gilbert ou un cycliste de la telle, peut-être que je pense que j'ai une chance au Mur de Bretagne pour pouvoir peut-être enfiler le maillot jaune pour la première fois. 9 premières étapes, il y a plusieurs différents porteurs de maillot jaune, selon moi, qui vont arriver quasiment tous les jours. On pourrait voir des porteurs différents de maillot jaune et ça peut être même des petites équipes qui pourraient avoir l'opportunité de gagner le maillot pour une journée. Ce parcours plus plat pour les 9 premières étapes est dédié un peu à changer un peu la donne. Donc, plusieurs arrivées pour les sprinteurs. On parle d'environ 6 sur 9 possibilités de sprint, tout dépendant du peloton et des équipes de sprinteurs. On va voir les équipes un petit peu plus tard. Il y a quelques équipes qui sont vraiment dédiées aux sprinteurs, quelques autres qui ont un sprinteur avec eux et qui pourraient bénéficier des trains de sprint ou ce qu'on appelle un lancement des autres équipes. C'est quelque chose qu'on pourrait voir un petit peu plus tard. On va parler de Mark Cavendish, évidemment, avec Team Dimension Data. Un retour dans le passé pour Mark Cavendish qui retrouve Mark Renshaw, le fameux dernier lanceur pour Mark Cavendish au cours de ses années fastes avec le HTC Columbia High Road, je vous ramène au début des années 2010, qui était l'équipe la plus victorieuse que j'ai jamais vue de ma vie, HTC Columbia, avec le train parfait, avec des coureurs tels les Mark Renshaw et compagnie. Il y avait aussi les Tyler Farrar dans le temps. Mais l'équipe américaine de ce temps-là, qui est maintenant défunte, a révolutionné un peu le monde du sprint et on est en continuité. Et le sprint a des nouveaux sprinteurs aussi qui s'en viennent, des nouveaux types de sprinteurs au cours des prochaines années. On va regarder ça un petit peu plus tard lorsqu'on va regarder la composition de chacune des équipes. Maintenant, première étape clé que je vous parlais, l'étape 6, Brest-Mur de Bretagne. Première vraie moment décisif peut-être. On ne peut pas gagner le tour à l'étape numéro 6, pareil comme l'étape numéro 1 ou 1 à 5, 1 à 6. Mais on peut le perdre. On peut perdre le tour sur le Mur de Bretagne si jamais nous ne sommes pas bien placés ou bien réagis en fonction de les compétiteurs. Maintenant, après l'étape numéro 6, je vous emmène à l'étape numéro 9 qui est pour moi une étape dont je salive déjà. Vous aimez Paris-Roubaix? Paris-Roubaix, selon moi, est une des courses les plus excitantes à regarder. Le drame qu'il y a à tous les années. S'il pleut, ça va être tout une étape très difficile et c'est quand même une bonne chose qu'il y a la journée de repos à Annecy après le fameux Roubaix. Parce que cette étape numéro 9 qui va de Arras Citadelle à Roubaix est l'étape pour moi qui va commencer à tout changer. Rappelez-vous Vincenzo Nibali il y a quelques années lorsque Nibali a gagné le tour en 2014 si je ne me trompe pas. Il avait gagné beaucoup, beaucoup de temps. Je pense 2 minutes sur les secteurs pavés. Et cette fois-ci, pas seulement 12-13 km de pavé. Non, non. On parle ici de 21,8 km de pavé divisé en 15 secteurs. Il y a quelques montées sur des pavés. Les routes du 19e siècle de la France, de la banlieue de la France, sont utilisées ici. 15 différents secteurs. Une journée comme on pourrait appeler l'enfer du Nord, qui est le surnom de la course de Paris-Roubaix. Mais cette course, cette finale sera extrêmement, extrêmement spectaculaire. Et qui je favorise encore? Ça, c'est dur à dire. Mais un Lars Boom qui s'était posé en 2014, justement, à Haringberg, Porte du Hainaut, qui était dans les derniers passages du Tour de France sur les pavés du Nord. Et cette fois-ci, 22 km. Je crois que ces 22 km vont laisser des traces. Si ce n'est pas des traces sur des blessures, on se rappellera qu'une clavicule brise très facilement sur les vieux pavés accidentés de l'enfer du Nord. Donc, je ne serais pas surpris du tout, si en prétendant au titre ou quelques grands noms ne terminent pas cette étape. Du pour ma chance, et la météo aura une grande influence sur cette course. On connaît les pavés, on connaît un petit peu le danger du pavé. Donc, si c'est mouillé, c'est c'est boiteux. Si c'est mouillé, c'est de la vase à grandeur. Et si c'est sec, ben c'est poussiéreux. Et si c'est poussiéreux, la visibilité est un petit peu diminuée et il y a beaucoup de dangers. Donc, l'étape numéro 9, pour moi, est la première vraie étape peut-être décisive de ce Tour de France, non pas en montagne, mais en pavé. Parlant de montagne, première étape de montagne qui est l'étape numéro 10. 158 km, 158,5 km, passant par quelques cols connus, donc le col de Rome, on termine à Grand Bornand, donc c'est Annecy le Grand Bornand, le montée du plateau des Gilières, qui est quand même assez difficile, hors catégorie. Donc on parle ici d'une montée en altitude, une montée au sommet, 1350 mètres le Grand Bornand, le col hors catégorie ici, le col de la Colombière, le col de Rome, et surtout le montée du plateau de Gliard. Mais étant tôt dans l'étape, je ne pense pas que ce col hors catégorie sera décisif pour le général. Parce que un col hors catégorie, 70 km après le départ de l'étape, est oui, très difficile. Et quand on parle de ce col hors catégorie, extrêmement, extrêmement à pic, comme on dirait en français. Donc, c'est ce qui va être difficile. On parle de 6 km à 11,2% et à une altitude de 1390 mètres pour le col, le montée du plateau des Glières. Donc, étant quand même tôt dans l'étape, cette montée hors catégorie, je ne pense pas que ça va influencer vraiment la fin du Tour de France, mais au moins, ça va remonter quelques images spectaculaires et nous allons voir au moins, je presque garantis, une échappée terminée. Cette étape est gagnée sûrement pour un jeune grimpeur, gagner cette première étape et qui sait, peut-être même avoir enfilé le maillot à poids après cette étape. Mais ce n'est pas une étape qui se termine en sommet, donc il n'y a pas de point double pour le fameux maillot à poids. Maintenant, ma quatrième étape clé ou charnière que je crois que vous ne devez manquer, et l'étape numéro 11, une étape avec une arrivée au sommet, une arrivée en altitude, Albertville, où a eu lieu les Jeux olympiques de 1992, à La Rosière, l'espace Saint-Bernardo. Et si on regarde La Rosière, qui est un col de 17,6 km à 5,8%, avec quelques endroits avec des pourcentages plus élevés à 8,5 et 9,2% sur quelques kilomètres, mais en moyenne, on parle de 5,8%. Donc, pas une montée extrêmement difficile pour les coureurs du peloton, mais qui sera pour moi le premier feu d'artifice de ce tour. L'étape numéro 11, est-ce que nous allons voir quelques prétendants que je vais nommer dans quelques instants essayer de battre un Chris Froome, essayer de ravir le maillot jaune pour la première fois? Est-ce qu'on va voir les grandes équipes attendre avant d'aller chercher le fameux maillot doré et de le garder pour quelques semaines? Lorsqu'on a vu plusieurs années les grandes victoires de Chris Froome depuis plusieurs années, des fois, il allait chercher le maillot jaune à 4-5 jours, à 4-5e étape, et le gardait jusqu'à la fin. Aucun suspense, aucun dilemme, quoi que ce soit. Je crois que cette année, ça va être un petit peu différent, et c'est pour ça que les organisateurs ont placé ces étapes et ces cols de cette façon. Donc, étape numéro 11 à La Rosière, arrivée en altitude, la première du Tour de France, la première vraie arrivée en altitude, mais ce n'est que placer la table, comme on pourrait dire, pour l'étape numéro 12. L'étape numéro 12, pour moi, est l'étape reine de ce Tour de France. C'est là que cela va se jouer. Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs à l'Alpe d'Huez. Oui, comme vous pouvez voir derrière moi, l'Alpe d'Huez sera l'hôte de cette finale de l'étape numéro 12. Mais il y a d'autres cols aussi dans cette finale. Il y a des cols classiques et des cols qui font rêver. Col de la Madeleine. On parle du col de la Madeleine à 53 km à l'intérieur de l'étape, 2000 mètres. Ce n'est pas une montée facile, mais ensuite, on devra enchaîner une descente assez difficile. Un petit sommet numéro 2, le lacet de Mont-Vernier, qui prépare une descente assez rapide jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne pour ensuite aller chercher le col de la Croix-de-Fer, qui est un 29 km à 5,2%. Le col de la Madeleine, en passant, c'est 25,3 km à 6,2%. Tout ça pour amener jusqu'à Bordoisan et la gare d'Annoisan, le début de l'Alpe d'Huez, 13,8 km à 8,1%. Et qu'est-ce qui est quand même toujours important avec l'Alpe d'Huez, c'est que, oui, une moyenne de 8,1%, mais si on regarde plusieurs endroits, 11,5, 9,5, 10,4, 10. La fin de l'Alpe d'Huez est beaucoup plus facile là, que le début. Il y a quelques murs à l'intérieur de cette ascension. Et je crois que le maillot jaune, après cette étape numéro 12, sera le grand favori pour gagner le tout. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais avec les quelques petites différentes étapes qui s'en viennent, qu'on va parler, donc l'étape numéro 16 et surtout l'étape numéro 17. Tout pourrait changer lorsque sera le temps d'arriver aux Pyrénées. Maintenant, en passant de l'étape numéro 12, prochaine étape clé selon moi, c'est l'étape numéro 14. Une autre étape de montagne avec des cols assez importants. On parle ici du Pic de Nord, un sommet numéro 1, avec une descente jusqu'à Carcassonne. C'est là, souvent, qu'on peut voir les descendeurs tels un Vincenzo Nibali essayer peut-être d'aller chercher quelques secondes. C'est rare au cours des dernières années qu'on l'a vu des extrêmement bons descendeurs aller chercher quelques minutes ou quelques secondes. Mais c'est toujours extrêmement spectaculaire. Dangereux, oui, mais spectaculaire. Et avec cette descente vers Carcassonne, on pourrait avoir une surprise. Oui, je m'attends à une finale en échappée et peut-être un gagnant surprenant. Mais les prétendants au titre, selon moi, s'ils ne sont pas déjà éliminés, si on parle déjà de quelques secondes ou minutes de retard, pourraient essayer une grande opération dans cette montée. Et peut-être larguer les compétiteurs durant la descente. Est-ce qu'un Chris Froome sera prêt à prendre des risques lors d'une descente pour ne pas perdre du temps? C'est toujours la question que je me pose. Autant Chris Froome monte très bien. Descendre, il n'y a pas de problème, mais on ne parle pas ici des qualités de descendeur pareil comme un Vincenzo Nibali, par exemple. Qui est peut-être un prétendant, il n'est pas dans mon top 5, mais on ne sait jamais. Avec les pavés, avec des descentes comme ça, et avec l'Alpe d'Huez et tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver durant les pavés. Donc, si jamais un Chris Froome a un malaise, un problème, une chute, une blessure, pourrait être ouvert. Mais je pense qu'on va avoir un tour un peu différent duquel on s'attend. Et on va finir avec les étapes et on va parler ensuite des équipes et des prétendants. Alors, l'étape numéro 14, une arrivée en altitude aussi. Amende, pour moi, l'arrivée Amende peut quand même assez intéressant. J'en ai-tu manqué une? Étape numéro... Non, c'est ça, c'est bon, on a la bonne. Étape numéro 14, arrivée à Mende, qui est plus pour un puncher. Vous allez dire, oui, c'est seulement une catégorie 2, mais la preuve, Joaquin Rodriguez a gagné en 2010, mais avec l'enchaînement de quelques cols, avec cette arrivée en altitude, ça pourrait favoriser une attaque un peu surprise. Parce que, oui, Tout le monde a entouré l'étape 12, l'étape 16 et 17 déjà dans leur calendrier. Mais si je suis un outsider, comme on pourrait dire, si je suis, exemple, un Rigoberto Urán-Urán, okay, de IFP Drapac, Cannondale, si je suis Rigoberto Urán-Urán et je décide de peut-être attaquer sur un terrain différent ou ce que mes compétiteurs ne s'en attendent pas, l'étape numéro 14 pourrait être une bonne option. Maintenant, l'étape... Avant l'étape qui me fait rêver. On parle de l'étape numéro 16, le col de Portet d'Aspet, un de mes cols favoris à cause du 9,7% à 9% lors des derniers kilomètres de cette montée de 5,4 en moyenne de 7,1. Et on parle du col de Manté ensuite, qui est une, quand même un col plus difficile que prévu, 6,9 km à 8,1%. Donc, arrivé en altitude ici, on parle de... Le col de Portillon, après, c'est une descente à Bagnères-de-Luchon. Encore une fois, ça pourrait être un endroit où un Vincenzo Nibali, par exemple, ou un bon descendeur qui est bien classé, pourrait aller gagner quelques secondes. Je prévois une échappée jusqu'au bout et le gagnant, car l'équipe du maillot jaune va s'assurer que le temps n'est pas trop grand. Mais c'est la seule temps du Tour de France. L'étape numéro 16 où le peloton quitte la France. On est habitué des fois, comme il est passé d'autres années, ou voir le grand départ, ou voir les autres parties du Tour, aller en Italie, aller quoi que ce soit. On l'a vu les Pays-Bas, on a vu d'autres places aussi. Il y a seulement quelques kilomètres en Espagne cette année. Et c'est durant l'étape numéro 16, lorsqu'ils seront dans les Pyrénées, un petit crochet en Espagne et de retour en France pour terminer cela en Haute-Garonne avec Bagnères-de-Luchon, qui est un classique du Tour de France. Mais l'étape qui me fait rêver, l'étape qui est un peu peut-être le futur du cyclisme et qui est un essai, est l'étape numéro 17. Pour moi, l'étape numéro 17 peut être l'étape qui change tout. Autant pour le Tour de France 2018, autant que pour les grands tours du futur, autant peut-être que pour le futur du vélo. On parle ici du col de Portet, à Saint-Lary-Soulan. Le col de Portet est utilisé pour la première fois dans le Tour de France. C'est le sommet du Tour, donc on parle ici du souvenir Henri Desgranges, la plus haute montagne franchie par les cyclistes ce tour-ci. Un 16 km à 8,7%, une altitude de 2215 mètres. Mais une étape charnière, car 65 km seulement. Une étape sprint quasiment, une étape course, une étape Formule 1. Les 20 premiers au classement général le matin de l'étape numéro 17, le 25 juillet, seront placés selon le classement, avec quelques écarts entre eux. Et les 20 ne seront pas juste un départ fictif comme on est habitué de voir. Le départ est quelques kilomètres plus tard lorsqu'ils sont rendus à l'extérieur d'une ville. Le vrai départ réel est donné. Non, cette fois-ci, le départ fictif et le départ réel, c'est la même chose. Donc, en rentrant dans les Hautes-Pyrénées, de Bagnères-de-Luchon jusqu'à Saint-Lary-Soulan, en passant dans les Hautes-Pyrénées, passant par la Haute-Garonne, cette étape de 65 km sera des feux d'artifice, sera des attaques constantes. Et l'étape commence tout de suite avec quasiment une montée avec le col de Péressourde. Avec la montée de Péressourde pour terminer ce col, on parle de 14,9 km à 6,1% d'ascension. Ensuite, le col de Val-Lauron-Azay, 7,4 km à 8,3%, mais qui risque d'être une nouvelle star du Tour de France, le col de Portet, pour la première fois, 16 km à 8,7%. Et ne pas oublier les quelques derniers kilomètres de ce col viennent d'être pavés, viennent d'être asphaltés. Quelques semaines étaient encore des cols de roche, si on regarde les années précédentes, jamais été utilisés. Vous pouvez voir sur YouTube, le Global Cycling Network et d'autres endroits ont déjà fait l'exploration de ce col de Portet avant qu'il soit asphalté. Mais le ASO a mentionné que oui, il sera asphalté, mais pas à 100%. Nous voulons garder un peu le cachet difficile, le cachet non organisé, non pavé, un petit peu nature, un petit peu chaotique de cette route. Donc le col de Portet vous donnera des images extraordinaires à la télévision, vous donnera aussi des moments d'inattention, on ne sait jamais, une roche sous le vélo, des fois, peut changer tout la chance qu'on a lors de ce col. Mais le col de Portet, surtout avec le 65 km comme étape, on parle ici de possibilités d'artifice, d'attaque et d'isolation des prétendants à cause qu'ils partent tout seuls en avant. Donc, c'est ce qui va vraiment être intéressant de voir s'il y a quelques prétendants qui vont se mettre ensemble, faire une petite accord entre eux pour dire « Ok, on se protège, on aide, on attaque, 1, 2, 3, on essaie d'isoler le maillot jaune et peut-être aller gravir le maillot jaune. » Donc, le col de Portet pourrait être extrêmement décisif dans ce Tour de France. Et c'est l'avant-dernière chance, vraiment, pour les prétendants d'aller chercher quelques secondes ou d'aller ravir le maillot jaune à celui qui le tiendra le matin du 17. On parle du 18 maintenant. Un petit peu une étape de transition avec la dernière étape de montagne, qui est l'étape numéro 19 et qui est ma dernière étape à cause que c'est la dernière chance. Mais on parle ici d'une dernière chance avec quelques cols très connus, même s'il n'est pas une arrivée en altitude, c'est une arrivée en descente. Donc, on parle ici du col d'Aspin, le col du Tourmalet, le col des Bordères et le col d'Aubisque, sans oublier le col du Souloir. Deux hors catégories durant cette étape, avec une étape en descente jusqu'à l'Aron. Le col d'Aubisque est un col très difficile aussi. On parle de col d'Aubisque. Il y a de 6 km à 8,9%. Il y a plusieurs à 9% aussi. Il y a quelques faux plats. C'est l'enchaînement col de Bordère, col d'Aubisque qui fait que c'est encore plus difficile aussi. Donc, l'étape de la dernière chance pour les possibles prétendants au titre de vainqueur du Grand Tour du Tour de France. Avant que nous commençions à parler un petit peu des équipes qui seront présents au Tour de France, je veux vous inviter à aller au sportinspired.ca. Toute nouvelle collection de chandails inspirés par le Tour de France, designés par moi-même. Et je vous conseille, pour un petit 30$, 25$, vous avoir un chandail extrêmement joli, beau. Et vous allez voir, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent dans le courrier et je vais pouvoir les faire tirer ici à l'émission. Mais vous pouvez toujours vous les procurer au sportinspired.ca. Les équipes. Ah, les équipes. Moi, c'est ça. J'aime les couleurs, les beaux chandails, les beaux vélos. On oublie toujours un peu parler des fois des équipes. Et ce n'est pas seulement gagner le tour qui est important, c'est le reste aussi. Donc, parlons des équipes ici. Histoire rapide. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vélo ici. J'aime bien parler des vélos. Je pense que c'est une des choses qu'on oublie de parler des fois lorsqu'on regarde le Tour de France. C'est la beauté. La valeur aussi, mais la beauté des vélos et à quel point cela nous fait rêver de posséder de tels engins. Donc, AG2R Le Mondial, une équipe quand même très connue avec des Tony Galopin de ce monde et d'autres. On va faire le start list, comme on dit en bon québécois, en bon français. On va faire la liste des débutants après avoir la présentation des équipes. Donc, AG2R Le Mondial qui roule sur des facteurs O2, pédaliers Shimano et des roues Power Meter Mavic. Création de l'équipe en 1992 et le manager général est Vincent Lavenu pour AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, c'est quoi? C'est le sponsor, évidemment. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, le sponsor? AG2R La Mondiale, bien, compagnie d'assurance, si vous ne savez pas. Compagnie d'assurance agricole un peu, compagnie d'assurance en France pour plusieurs raisons. Maintenant, Astana Pro Team, une équipe depuis 2007 dirigée par l'ancien coureur Alexander Vinokourov. Qu'est-ce qu'Astana? Astana est le conglomérat de compagnies pétrolières du Kazakhstan. Astana est aussi un grand sponsor de tous les sports qui sortent du Kazakhstan. Et on parle de Jakob Fuglsang en tant que leader pour l'équipe Astana. Astana est sur des Argon 18, vélo québécois, des Gallium Pro. Et aussi des Nitrogen Pro, donc les deux modèles de Argon 18, un pédalier FSA K-Force Lite et des roues Corima. Maintenant, passons à Bahrain Méridia. Bahrain Méridia que Vincenzo Nibali maintenant fait partie. Vincenzo Nibali, le leader et leur leader pour le Tour de France. Une toute nouvelle équipe, création de l'équipe en 2007. Ils ont une participation au Tour en 2017 et aussi les sponsors, leur secteur d'activité, on parle du Royaume de Bahreïn, évidemment, et fabricant taïwanais de cycles, Méridia. Donc, Bahreïn Méridia, avec, entre autres, Vincenzo Nibali. Maintenant, BMC, une équipe dont le futur n'est pas assuré. On parle ici d'une équipe qui a perdu son mécène, Hans Ries, décédé il y a quelques mois, qui était le grand mécène du vélo suisse. BMC est une compagnie, un fabricant de vélos suisses, et on parle ici évidemment, de vélo BMC. On parle d'un pédalier Shimano Dura-Ace et de roues Shimano avec leur favori Richie Porte qui revient d'une grosse blessure l'année dernière au Tour de France. Maintenant, Bora Hansgrohe. On parle ici de la création de l'équipe en 2010. C'est l'ancienne Team NetApp, si vous vous souvenez, qui était une équipe pro-continentale qui avait fait le saut en UCI World Tour quelques années plus tard. Depuis 2017, et l'équipe avec ce nom, l'équipe connue pour avoir un certain Peter Sagan dans son équipe. Bora, anciennement avec Argon 18, maintenant sur des vélos Specialized, S-Works Venge et un pédalier Shimano Dura-Ace. Évidemment, on parle aussi de Cofidis maintenant, une équipe continentale professionnelle qui a reçu une invitation Wildcard, une invitation des organisateurs du Tour pour faire partie de ce Tour de France. On parle ici de Nasser Bouhanni, le sprinter, qui est probablement le nom le plus connu de cette équipe. Société de crédit en ligne, c'est ce que fait Cofidis, donc tout ce qui est bancaire et crédit en ligne. Et on parle ici d'un Kuotokan, qui est le cadre utilisé, un pédalier Campagnolo 11 vitesses et les roues Campagnolo Bora Ultra pour Cofidis. Maintenant, passons à Direct Energy. Une autre équipe Continental Pro qui a reçu l'invitation pour le Tour de France des organisateurs. On parle ici d'une équipe qui existe depuis 2000, qui avait comme nom avant le Bonjour Tour Pagel, qui s'appelle Direct Energy depuis 2016. Direct Energy est un fournisseur et producteur d'électricité et de gaz naturel. Le cadre est un Williard Cento 10, le pédalier Shimano Dura-Ace et des roues Fast Forward. Donc maintenant, passons à Groupama FDJ, une de mes équipes charnières au Tour de France. Pour plusieurs raisons, c'est dommage la blessure à Thibaut Pinot. C'est vraiment dommage que Thibaut ne sera pas au Tour. On parle ici d'une compagnie d'assurance qui est Groupama et Loterie et Paris Sportifs pour Française des Jeux. Si vous êtes au Québec, si vous êtes placé au Québec comme moi, ben c'est le mise au jeu de la France, Française des Jeux. Une équipe avec beaucoup d'histoire qui existe depuis 1987. Une des équipes françaises les plus en vue depuis longtemps. Et FDJ, habituellement, fait d'extrêmement beaux maillots nationaux. Donc, tous ceux qui ont gagné les champions nationaux et tout, vous allez avoir quelques-uns sur le Tour de France. Les maillots de FDJ sont quelque chose. Habituellement, sont extrêmement beaux à voir. Maintenant, l'Auto Soudal. André Greipel, sprinter, équipe qui est quand même dédiée au succès de André Greipel. Qu'est-ce que l'Auto Soudal? L'Auto Soudal, c'est la loterie nationale belge, c'est l'auto. On parle de fabricant de mastic, silicone, mousse et colle et produits d'étanchéité pour Soudal dans la construction. Donc, l'Auto Soudal, c'est cela. On parle de Mitchelton Scott. Qu'est-ce que Mitchelton Scott? Mitchelton Scott est l'ancienne équipe Orica Green Edge créée en 2011, qui de Green Edge, qui ont eu leur premier sponsor Orica, et qui était une équipe quasiment totalement australienne. Mais ce n'est plus le cas. On change un petit peu de passé de l'équipe qui avait comme ambition de gagner les étapes, gagner quelques sprints, à une équipe tranquillement qui fait la transition au classement général avec des certains Adam Yates et les Simon et Adam. Adam est vraiment leur leader pour le Tour de France. On va en parler lorsqu'on aura la liste officielle un petit peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que Mitchelton Scott? Mitchelton est une entreprise viticole australienne, donc une maison de vin australienne, et le fabricant de vélos américain Scott. Évidemment, les cadres sont des Scott, et on parle d'un pédalier Shimano Dura-Ace. En passant, j'ai oublié de mentionner le vélo pour l'Auto Soudal, des Ridley. C'est peut-être pas les meilleurs vélos, il y a peut-être une petite différence, on va voir. Et c'est toujours un peu fascinant de voir l'équipement et l'équipementier de chaque équipe, et si jamais ça a le résultat d'une équipe. Des fois, c'est des gains marginaux, mais des fois, ces gains marginaux-là vaut une grosse différence. On parle maintenant de la Movistar, une des grandes équipes du peloton qui existe depuis 1981, si c'est non la plus vieille équipe du Tour de France, qui s'appelait Reynolds dans le temps, commandité par le papier d'aluminium là très longtemps. Maintenant, commandité par Movistar depuis 2011. Movistar, c'est quoi? Non, c'est pas des films. C'est un opérateur de téléphonie mobile très populaire en Espagne et dans le monde espagnol. On parle ici de la deuxième équipe peut-être en importance du Tour de France avec les Nairo Quintana, les Mikel Landa et les Alejandro Valverde qui pourraient, un des trois peut-être, être un prétendant au titre et peut-être détrôner un certain Chris Froome. On va voir, on va en parler dans quelques instants. Quick Step Floors avec Julien Alaphilippe, puncher extraordinaire. On parle ici d'un revêtement de sol, l'équipe Quick Step qui existe depuis 2003, sous son nom actuel Quick Step Floors depuis 2017. Quick Step Ethics, on a eu plusieurs différents noms de cette équipe. Quick-Step, une des équipes les plus connues au monde. On a eu les grands noms qui ont fait partie de cette équipe, évidemment, les tels que les Michael Rogers, les Filippo Pozzato, les Cédric Vasseur, Paolo Bettini, les Stijn De Vardar, qui est excellent dans les classiques, Alessandro Petacchi, évidemment, Sylvain Chavanel. Un classique du Tour de France, M. Chavanel. Et Tom Boonen, évidemment, Marcel Kittel, Daniel Martin ont fait partie de cette équipe aussi. Donc, quand même intéressant ici, Quick-Step Floors, qui est un revêtement de sol. Quick-Step Floors, hein? Plancher, c'est ça. Exactement. Team Dimension Data, avec Mark Cavendish, Mark Renshaw, une équipe qui était Mountain Kubeka avant, était depuis créée en 2007 en tant que Continental, Mountain Microsoft, qui est devenu MTM Kubeka, qui est devenu MTM Kubeka propulsé par Team Dimension Data, et qui est devenu Team Dimension Data. Qu'est-ce que Dimension Data? C'est une société de services en ingénierie informatique. Surprenant, hein? Exactement. Maintenant, l'équipe pour laquelle j'ai un petit faible pour plusieurs raisons. Première équipe qui m'a vraiment fait tomber en amour avec le vélo, c'est la Cervélo Test Team à la fin des années 2000, au début des années 2010. Et tout ce qu'il y a eu depuis, donc Cervélo est ensuite devenu Cervélo et Slipstream sont venus ensemble. Our Team Argyle, Slipstream continue. Et devenu avec Cannondale, cette équipe maintenant et la continuité de cette équipe qui existe depuis 2005 et qui est dans le fond le, je dirais, l'héritier de HTC Columbia iRoad du début des années 2010 mélangé avec Cervélo. Tous ensemble avec Cannondale et Liquigas. C'est trois équipes, quatre équipes qui ont quand même été importantes dans la création de cette équipe. Jonathan Waters, qui est très connu en étant lui qui dirige Slipstream, qui dirigeait HTC iRoad et qui continue ensuite. Et le manager général de cette équipe, c'est avec cette équipe que Ryder Echedal a gagné le Giro d'Italie. En 2012, c'est avec cette équipe qu'on a vu des Christian Van de Velde, Tyler Farrar, David Millar, Bradley Wiggins, Carlos Sastre, Simon Gerrard, Thor Hushovd, Henrik Hausler, ce qui était, tout ce que j'ai mentionné était avec Cervélo Test Team dans le temps. David Zabriskie, Daniel Martin, Ryder Echedal, Andrew Talansky aussi, qui était un espoir américain, qui était avec cette équipe aussi. Donc, c'est l'héritière de toutes ces équipes. Là, je pense pas qu'ils ont beaucoup de chance au général, mais ils ont un outsider comme un Rigoberto Urán qui trouve toujours un moyen d'être bonne humeur et trouve toujours un moyen de tirer son épingle du jeu avec l'aide de ses coéquipiers. Maintenant, Team Fortuneo Samsic, qui est une équipe pro-continentale qui a été invitée au Tour aussi par les organisateurs. Leur plus grand coureur, je dirais, est Warren Barguil, un nouveau grimpeur, un nouveau jeune qui pousse, qui pourrait peut-être pas encore être là, mais un top 10 pour Warren Barguil, je pense que c'est possible. Qu'est-ce que Fortuneo? Fortuneo est une banque en ligne et Samsic est un service aux entreprises aussi. Donc, vous pouvez voir tout cela dans Team Fortuneo Samsic. Maintenant, Team Katusha Alpecin. On parle ici d'Alpecin qui était un commanditaire de notre équipe qui a décidé de partir de Team Alpecin et de maintenant commanditer Team Katusha. Team Katusha Alpecin, c'est là que Marcel Kittel est un des meilleurs sprinteurs du Tour de France, du peloton, mais qui a seulement une victoire en 2018 jusqu'à présent. Qu'est-ce que Katusha et Alpecin? Katusha est une société financière par Itera et Gazprom, russe, et fabricant de produits pour cheveux Alpecin, évidemment. Maintenant, terminons avec quelques autres équipes. Team Lotto NL Jumbo. Donc, on parle ici de Loterie Nationale Néerlandaise, une chaîne de supermarchés Jumbo. On parle d'une équipe qui est quand même dirigée autour d'un sprinter, Dylan Groenewegen, qui est un sprinter de nouveau genre, je dirais, grand, fort, physique, et un peu un nouveau Greipel. Donc, c'est un peu un Greipel peut-être meilleur pour Dylan Groenewegen. Donc, on parle ici de Team Lotto Jumbo. Maintenant, les gros canons. On parle de Team Sky. Qu'est-ce que Team Sky? Sky, évidemment, opérateur de télévision par satellite. Le groupe de Rupert Murdoch de l'Angleterre. Chris Froome, évidemment, est leur leader avec le directeur général Dave Brailsford. Terminons avec Team Sunweb. Tour opérateur suisse. Sunweb, c'était l'ancien Alpecin il y a quelques années. Avant qu'Alpecin parte, il était là. Donc, on parle ici de l'ancienne Shimano Memory Group. On parle de l'ancienne Team Shimano. Scale Shimano, c'est l'héritière de cette équipe Team Sunweb avec leur leader Tom Dumoulin, qui est pour moi un des prétendants au titre. Tom Dumoulin, vainqueur du Giro d'Italie, du Tour d'Italie en 2017, roule sur des Giant, Shimano Dura-S et les roues Giant pour être une équipe très importante. On parle de Trek Segafredo, une équipe qui en a perdu un petit peu au cours des dernières années, mais commandité par un des meilleurs cafés italiens. Je pense que c'est quand même très bon. Et Trek, des vélos qui est quand même très bon. Ils sont évidemment sur des Trek Madone, Shimano Dura-S et les roues Bunt Rager qui est mes deuxièmes roues favoris, je dois dire. J'aime bien les Bunt Rager. Si je joue pas sans le budget pour en avoir, mais je les aime bien. Trek Segafredo qui est une des équipes. On termine avec UAE Team Emirates qui est fondée par les Émirats les Émirats Arabes Unis et Abu Dhabi, évidemment. On parle de leur leader Dan Martin qui a terminé le tour 2017 avec un dos fracturé, sans le savoir. Il est tough, le petit Dan. Il est tough, le petit Écossais. Et Dan Martin, le prétendant, le leader pour Team Emirates. Dernière équipe, Wanty Group Gobert, une autre équipe Continental Pro qui roule sur des cabres Cube Lightning, donc je n'ai jamais vu, une compagnie de vélo que je ne connais pas, qui existe depuis 2008. Les secteurs d'activité des sponsors, entreprises de travaux publics belges et distributeurs de matériaux de construction belges. Une équipe majoritairement belge, mais qui va être présente au Tour de France pour la première fois. Maintenant, pour terminer l'émission, je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on parle et ça commence à être long, mais terminons avec les équipes ici et parlons un peu de la composition des équipes du Tour de France. On est à quelques jours seulement du début du Tour, 3 jours, et nous avons les équipes officielles, la composition de leur équipe. Donc, commençons avec la Team Sky, avec évidemment Christopher Froome, Egan Bernal, Jonathan Castroyevo, Michael Kwiatkowski, Gianni Moscone, Wood Poels, Luke Rowe et Geraint Thomas. On parle ici d'une équipe extrêmement solide pour entourer Chris Froome en montagne avec des lieutenants tels les Kwiatkowski, les Wood Poels et les Geraint Thomas. Chris Froome est un prétendant pour son 5e Tour de France. Maintenant, la Quick Step. Niki Tepsra, Yves Lampert, Philippe Gilbert, puncheur extraordinaire qui pourrait peut-être trouver son compte au mur de Bretagne. On va voir. Fernando Gaviria, Bob Jungels, Julien Alaphilippe, Maximilio Richese et Tim De Klerk. On parle ici d'une équipe qui est entourée pour soutenir Alaphilippe quand même, mais un Philippe Gilbert ne pourrait être une carte cachée lors des étapes un petit peu accidenté ou un petit peu bosselé. L'Auto-Sudal, une équipe qui est quand même construit autour d'André Greipel, la meilleure chance de résultat et de succès durant ce tour pour moi, selon moi. Donc, on parle ici d'André Greipel, Thomas De Gendt, Thies Benoot, Thomas Marchinski, Jasper De Bis, Marcel Sieberg, Jelle Van Endert et Jens Kukeler. Et en passant, vous voyez, il y a seulement 8 noms par équipe et non 9. Première année que les équipes sont diminuées de 9 à 8. Pour un petit peu la sécurité des coureurs, on parle d'un peloton de 176 au lieu de 200 quelques. Donc, un petit peu plus d'espace et un petit peu plus de liberté. Mais une personne de moins, on va voir si cela va affecter les équipes. Surtout en montagne et un domestique de moins, on va voir s'il y a vraiment une différence. Mais pour les équipes du Tour de France, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On l'a vu, des grandes chutes, des accidents au cours des dernières années. Et c'est pas toujours plaisant de voir. Mais lorsqu'il y a des décès, c'est extrêmement non plaisant. J'ai toujours Wouter Wellen du Giro d'Italie dans la tête. Donc oui, je trouve que c'est important de diminuer le nombre de coureurs de 9 à 8, surtout pour la sécurité du peloton. Passons maintenant à Trek Segafredo, une équipe qui est quand même tournée autour de John Degenkolb, qui est sprinter. On parle de Julien Bernard, de Koen De Kort, Michael Gogol, Xabou Grmet, Bock Mollema, qui est leur meilleure chance au titre pour Trek Segafredo, c'est Bock Mollema, entouré de Tom Skung et de Jasper Steven. Maintenant, la Lotto NL Jumbo, on parle ici d'une équipe, encore une fois, qui est quand même bâtie autour du sprint. avec une peut-être chance au classement général avec Robert Kresink, mais je pense pas que Robert Kresink est capable d'aller faire un top 10 encore une fois. Peut-être, mais je serais surpris. L'ancien gagnant à Montréal et à Québec, je pense que Robert Kresink pourrait peut-être faire un top 15 facilement autour, tout dépendant des circonstances. Top 10, je trouverais que ça serait un gage de succès pour l'Auto Jumbo. On parle de Primoz Roglic, Steven Krejcik, Paul Martens, Timo Roussen, Dylan Groenewegen, qui est leur sprinter extraordinaire, Amund Grøndahl Jensen et Antoine Tolek. Maintenant, Groupama FDJ, malheureusement, la malchance est à s'acharner sur Groupama. On parle du forfait de Thibaut Pinot. Quand même, un bon sprint, un bon train pour le sprint avec Arnaud Démare. On parle de David Godou, Jacobo Garnieri, Olivier Legac, Tobias Ludvigsson, Rudy Mollard, Ramon Cinquedam et Arthur Vichot. Arthur Vichot qui est peut-être un des meilleurs grimpeurs de ce groupe. Mais quand même, je crois que le sprint est gage de succès peut-être pour FDJ. Et malheureusement, avec la blessure à Thibaut Pinot, on peut oublier le classement général. Team Dimension Data, les 8 qui représenteront la Team Dimension Data, c'est des noms que vous allez reconnaître quand même assez facilement. Et des noms qui se connaissent très bien. On parle de Edvard Bossenhagen, un classique avant-dernier lanceur pour Mark Cavendish avec les Mark Renshaw. Donc on parle de Mark Cavendish, Edvard Bossenhagen, Tom Hjelte-Slagter, Mark Renshaw, Reinhardt Jens van Jensgid, Serge Pauls, Julien Vermotte et J. Robert Thompson. On parle de Cavendish, Bossenhagen, Slagter, Renshaw au moins dans le train. On parle peut-être du meilleur train du peloton, au moins le plus expérimenté. Et des fois, lors des épreuves nerveuses du début du Tour de France, l'expérience peut venir en aide. Et je ne serais pas surpris de voir que Mark Cavendish, la fusée du Mans, aller chercher peut-être une victoire au moins en ce Tour de France. Katusha Alpecin, une autre équipe qui entoure ici un sprinteur, on parle de Marcel Kittel, entouré de Inour Zakarin, Tony Martin qui est un des meilleurs contre-la-montre au monde. On va seulement le voir gagner le contre-la-montre, si ce n'est pas pour Tom Dumoulin, on va voir, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais Tony Martin qui va être utilisé aussi dans le train pour Marcel Kittel, Pavel Kochekov, Ian Boswell, Robert Keselowski, Nick Pullitt et Rick Zabel. Maintenant, une des équipes qui est fascinante pour moi, Movistar, le monstre à trois têtes. On parle du monstre avec une tête de Quintana, une tête de Valverde et une tête de Landa. Est-ce qu'avoir trois leaders est dangereux dans une équipe? Oui et non. On a trois leaders au début, mais croyez-moi, là. À part Valverde, qui a peut-être une historique, un petit peu d'attitude, puis vouloir être une carte cachée, puis vouloir courir pour lui, là. Michael Landa va décider assez rapidement que c'est son année puis que c'est son équipe. Selon moi, Landa pouvait battre Froome l'année passée, mais ça donnait mal. Il était le lieutenant de Froome, donc il ne pouvait pas le dépasser. Mais Landa, cette année, a des ambitions. Et je crois qu'il va avoir une sélection interne et que Landa, sur la route, va prouver à Valverde et à Quintana qui est meilleur. Et nous allons voir un Michael Landa être leader de Movistar et peut-être avoir une chance de gagner le tout. On parle avec André Amador, Marc Soler, José Joaquín Rojas, Emmanuel Hervit et Daniel Benatti. Benatti qui est plus pour le sprint, mais le reste de l'équipe est là pour supporter le monstre à trois têtes. Je ne serais pas surpris de voir Daniel Benatti étant pas aussi entouré avec un train pour le sprint, d'être capable de profiter du train de Team Dimension Data et tout, puis peut-être aller voler une étape quand même, on pourrait voir. Bora, une équipe qui est quand même dédiée au maillot à pois, au maillot vert et à Peter Sagan qui a été disqualifié l'année dernière après l'étape numéro 3 pour 3 ou 2, après les quelques premières étapes pour un contact sévère avec Mark Cavendish et pour un petit coup et qui a mis fin au tour de Cavendish et aussi de Peter Sagan. Donc on parle de Bora ici. Maciek Bodnar, Marcus Burkhardt, Raphaël Majka qui est leur meilleur grimpeur ici pour Bora. Grégoire Mulberer, Daniel Hoss, Pavel Polianski, Peter Sagan, évidemment champion du monde depuis 3 ans, je crois, et Lucas Postelberger. Maintenant, passons à BMC. Le grand retour de Richie Porte après les grandes blessures de l'année passée, supporté avec un TJ Van Garderen qui est son lieutenant dans les montagnes, avec un Damiano Caruso aussi, le vétéran italien maintenant avec BMC, lieutenant de montagne, avec un Greg Van Avermaet qui est là aussi peut-être quand ça sera un petit peu plus bosselé pour aller chercher peut-être un petit maillot jaune au début de semaine, début du tour, je ne serais pas surpris de voir ça. Un Patrick Bevin, Simon Gerrans qui est là aussi pour supporter un Richie Porte, l'ancien de la Cervelo Test Team de Orica Green Edge est maintenant rendu avec BMC. Stephen Kung et Michel Char terminent la sélection pour l'équipe suisse qui en est sûrement à son dernier Tour de France, malheureusement. Et maintenant, G2R la mondiale. Avec la blessure à Alexandre Geniez, qui est quand même très dommage, qui était le premier, un des meilleurs grimpeurs pour eux, remplacé par Mathias Frank, qui est quand même pas un pied de céleri. On parle ici de Alexis Voironov, Tony Galopin, Romain Bardet, Pierre Latour, Axel Domon et Sylvain Didier, AGR Mondial, tous derrière Romain. Romain, meilleure chance de succès pour AGR Mondial, en montagne surtout et au Tour de France. Je m'attends à un top 10 de Romain Bardet. EF Education First, Drepak Rigoberto Urán est leur lieutenant. Pierre Roland, le français maintenant avec cette équipe, l'ancien de... cette équipe-là, la même équipe que Thomas Vauclair, donc le nom m'échappe à l'instant. Mais Pierre Roland, Taylor Finney, qui est un des meilleurs contre-la-montre américains, jeune, ancien vice-champion du monde avec un Eagle, une troisième dans le temps, en championnat du monde junior en 2010. Taylor Finney, Seb Van Mark, Daniel Philippe Martinez, Simon Clark, Thomas Scully et Lawson Craddock terminent l'équipe Education First J-Pack et Cannondale. Maintenant, Astana, Jacob Fulsang, Jesper Hansen, Magnus Kurt Nielsen, Michael Valgren, Omar Frail, Luis Leon Sanchez. Le fameux Luis Leon Sanchez qu'il ne faut jamais oublier lorsque ça monte et qui peut être un extrêmement bon lieutenant avec son expérience et avec ses capacités de lire les résultats, de lire la course, est capable d'avoir le bon pouls de la course. Je pense que Jakob Fuglsang va bénéficier beaucoup bénéficier de Luis Leon Sanchez. Bahrain Meridia, on parle ici de Vincenzo Nibali qui est supporté par Domenico Pozzovivo, The Pocket Pozzovivo, Yannin Zaghire, Gorka Izaguirre, de Sonny Colbrello, Franco Pellizotti et de Henrik Hausler. Hausler est le sprinter de Bahrain Meridia. Je suis quand même assez content de voir Henrik Hausler de retour au Tour de France. Les 10 dernières années, 8 dernières années, n'ont pas été faciles pour Henrik Hausler qui n'a jamais réussi à aller chercher le même type de forme qu'il avait lorsqu'il était avec Cervelo Test Team, qui a passé proche du maillot vert, passé proche du sprint, et a passé proche de battre Cavendish quelques fois lors de la fin des années 2009, 2010 et 2011. Donc, Henrik Hausler, qui a eu quelques difficultés, est avec IM Cycling et d'autres, et des équipes qui ont malheureusement pas bien tourné et qui ont fait banqueroute. Je lui souhaite un bon Tour de France maintenant, Henrik, avec Bahrain Meridia. Fortuneo, on parle de Warren Barguil, Maxime Bouet, Éric Gesbert, de Romain Hardy, Kevin Le Danois, Amael Moinard, Laurent Pichon et Florian Vachon. Une équipe qui est fait pour supporter Barguil dans les montagnes. Est-ce que Barguil peut faire un top 10? Un top 10 pour Barguil, pour une équipe Continental Pro, serait un grand succès. Direct Énergie maintenant, Liliane Calmejane, Sylvain Chavanel, le fameux vétéran, Rein Tarami, le meilleur Estonien de l'histoire de l'Estonie en vélo, Jérôme Cousin, Romain Sicard, Damien Godin, Fabien Grelier et Thomas Bouda. Rein Tarami est le leader de Direct Énergie sur la route. Sylvain Chavanel pourrait se retrouver dans quelques échappées. Et un certain 14 juillet, toujours intéressant de regarder ce que Sylvain Chavanel va faire lorsque c'est le temps, la Marseillaise. Cofidis, Christophe Laporte, Dimitri Klett, Nicolas Hedet, Jesus Herrada, Daniel Navarro, qui est leur lieutenant en montagne, Anthony Perez, Julien Simon et Anthony Turgis. On termine avec les dernières équipes rapidement ici. Donc, Wanty Groupe Gobert, Thomas Degant, Timothy Dupont, Guillaume Martin, Marco Minard, Johan Ofredo, Andrea Pascalon, Dion Smith et Guillaume Van Kersbroek. Faut Wanty Groupe Gobert, leur but cette année, c'est de passer à la télévision. En échappée, on se met dans l'échappée, on fait voir les commanditaires et on se fait voir à la télévision. C'est probablement le seul objectif de Wanty. Team Sunweb, qui est selon moi l'équipe numéro 3, avec le troisième meilleur prétendant au titre, selon moi, avec un Tom Dumoulin frais à comparer à un Chris Froome qui a couru les 1, 2, 3 derniers grands tours. Il les a gagnés, mais il les a courus. Est-ce que le Giro d'Italie 2018 coûtera la fraîcheur de Chris Froome pour le Tour de France 2018? C'est ce que l'on va voir. Team Sunweb, Søren Krak Andersen, Nikias Hart, Tom Dumoulin, les leaders, entourés de Laurens Ten Dam en montagne, Simon Geschke, Chad Aga, Michael Matthews aussi, champion surprise du maillot vert l'année dernière. Est-ce qu'il sera capable de rééditer son exploit? Mais malheureusement, Michael Matthews aura quelques responsabilités avec leur leader Tom Dumoulin cette année, donc peut-être pas, mais on va voir. Et l'équipe se termine avec Edward Theuns, Mitchelton Scott avec Jack Bauer, Luke Durbridge, Matthew Heyman, Michael Ebburn, Damien Hassen, Daryl Impey, Mikkel Nieve et Adam Yates. Adam Yates entouré de Michael Nieve, Daryl Limpe et de Michael Ebburn pour la montagne, aussi de Luke Durbridge pour le contre-la-montre et en montagne. Une équipe quand même assez bonne, Jack Bauer, domestique extraordinaire, super domestique, qui pourrait même se retrouver peut-être dans quelques échappées. Adam Yates, un peu jeune peut-être pour un top 5, top 15, top 10 pourrait être faisable pour le jeune du Royaume-Uni, Adam Yates. Et on termine les équipes du Tour de France 2018 avec Team Emirates, John Darwin Atapuma, Christian Jurasek, Roberto Ferrari, Alexander Kristoff, Marco Marcato, Daniel Martin, Rory Sutherland et Oliviero Troia. Daniel Martin, leur capitaine sur la route, leur chance de peut-être top 10, peut-être top 5 avec Dan Martin si la santé et la forme est présente. Maintenant, c'est le temps de parler de mes prétendants. J'en ai 6. 6 noms que je vous mentionne avec un outsider. Évidemment, Chris Froome. Tant que personne ne le bat sur la route, il se doit d'être vos favoris. Malheureusement, pensez ce que vous désirez avec tout ce qui est salbutamol et tout, je vous comprends, mais Chris Froome, jusqu'à preuve du contraire, est le favori pour le Tour de France 2018. Selon moi, Mikel Landa et Nairo Quintana vont terminer sur le podium avec lui. Le monstre à trois têtes va devenir un monstre à deux têtes. Est-ce que un des deux sera prêt à sacrifier leur place pour le podium pour peut-être aller gagner ce Tour de France? C'est toujours la question. Ou est-ce qu'ils vont se contenter de suivre Froome et de rester en arrière et de ne pas risquer leur position? C'est toujours là la question. Mais selon moi, Mikel Landa est peut-être le plus grand prétendant au titre de Chris Froome cette année. Nairo Quintana, peut-être quatrième dans mon top 5 parce que je mettrais Tom Dumoulin en troisième place. Tom Dumoulin a gagné en confiance. Un contre-la-montre, un spécialiste du contre-la-montre qui apprend à grimper de plus en plus avec les années. Quand même du contre-la-montre dans ce Tour de France-ci qui pourrait avoir quelques secondes d'avantage, je ne sais pas, sur des minutes sur Chris Froome. Être capable de garder cet avantage et de l'accentuer dans les montagnes sera la question. Avec sa victoire au général du Tour d'Italie 2017, Tom Dumoulin gagne en confiance, mieux entouré aussi, et l'équipe au complet croit aux chances de Tom Dumoulin. Donc Team Sunweb pourrait surprendre beaucoup de monde avec Tom Dumoulin sur le podium, si ce n'était pas sur la plus haute marche du podium. Mais pour terminer, mes prétendants au titre, trois noms outsiders, mais qui pourraient quand même peut-être avoir des chances à un podium ou un top 5 au classement général. Jakob Fuglsang avec Team Astana, ancien de Team Saxo Bank dans le temps, grand ami des frères Schleck dans le temps aussi, Jakob Fuglsang du Luxembourg. Danemark, c'est pas grave, la Suisse, ça se peut. Jakob Fuglsang de Team Astana est un nom que vous allez savoir à la fin du tour. Je pense qu'il va faire une opération en montagne, peut-être pas gagner le tour, mais un top 5 pour Jakob Fuglsang pourrait être réaliste. Et Richie Porte. S'il y en a un qui connaît Chris Froome, c'est Richie Porte. Malheureusement, l'année passée, une mauvaise blessure, passé de prétendant dans l'hôpital en quelques secondes. On va voir si Richie Porte a retrouvé la confiance et la forme qu'il avait. Mais avec une BMC qui n'a rien à perdre, BMC qui va effectuer son dernier Tour de France, BMC va sûrement, malheureusement, fermer les portes à la fin de la saison à cause que leur mécène Hans Riss est décédé il y a quelques mois. et c'est savoir si BMC est prêt à débourser les millions de dollars par année pour continuer l'activité de cette équipe. On va voir, mais un autre nom que je considère un outsider, mais que j'aimerais voir au top 10 du Tour de France ici, c'est Rigoberto Urán-Urán de Education First J-Pack, powered by Cannondale. Je pense que Rigoberto Urán-Urán pourrait être un top 10 dans ce Tour de France et être une belle histoire et une belle marque de succès pour Cannondale. Quand même un top 10 au Tour de France, quand même pas mal. Bon, ça fait une heure que je parle, puis j'ai pas encore parlé de Salbutamol, puis j'ai pas encore parlé de Chris Froome, donc allons-y. Chris. Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de Chris? Alors, Tour d'Espagne 2017, Chris Froome gagne, mais anomalie qui n'a pas été annoncée durant le Tour d'Espagne, qui a été annoncée ensuite. Une concentration de salbutamol dans le sang, deux fois plus élevée que ce qui est permis. Salbutamol, qui est un médicament pour l'asthme, pour les asthmatiques, qui ouvre un petit peu les bronchioles, qui vous aide à respirer. Et le salbutamol rentre dans les bronchioles et garde ouvert un petit peu plus longtemps. Et c'est légal. Avoir du salbutamol dans son corps, dans son système, est légal. Ce qui n'est pas, c'est la quantité. Premièrement, l'utilisation du salbutamol dans le peloton professionnel est répandue à un pourcentage qui est beaucoup plus élevé que dans la population normale. Juste ça, ça vous indique un petit peu à quel point le salbutamol est utilisé dans le peloton professionnel. C'est un coup de pouce, c'est un aide, et un aide qui est légal jusqu'à un certain point. Mais la concentration de salbutamol qu'il y avait dans le corps de Chris Froome durant le Tour de France 2019, durant la Vuelta Espagnole 2018, c'est beaucoup trop élevé. Ça a pris 9 mois, et jusqu'à la semaine dernière, on n'était encore pas sûr si Chris Froome allait participer au Tour de France. Il était en suspension provisoire, mais vu que c'est en appel et en procédure judiciaire, il se pouvait de continuer à courir. Et l'UCI et le tribunal arbitral du sport ont mentionné, ils ont blanchi Chris Froome il y a 2 jours. Ils ont enlevé tout doute de malfaisance de la part de Team Sky, de Team et de Chris Froome. Mais le mal est fait. La réputation est touchée et c'est pas la première fois. Pas la première fois que Team Sky a des résultats de salbutamol très élevés pour ses coureurs. On parle de Bradley Wiggins en 2011 ou en 2012 aussi. Donc, c'est pas la première fois que des médicaments pour asthme ou médicaments, et à quel point ces médicaments sont acheminés vers Team Sky et débarrassés et cachés. Et alors, exactement. Donc, jusqu'à récemment, l'ASO, les organisateurs du Tour de France, avaient même banni Chris Froome, avaient demandé à Chris Froome de ne pas participer au Tour de France en disant qu'ils vont bloquer la participation de Chris dû au fait que, bien, l'organisation du Tour se permet d'exclure un coureur qui pourrait entacher la réputation du Tour, entacher la réputation du sport. Mais ça ne tient pas devant les tribunaux arbitraux du sport, ces choses comme ça. Surtout lorsque l'UCI et WADA blanchit Chris Froome. Ce qui a lié les mains de ASO, et ASO a dû enlever son règlement ou juste ne pas l'appliquer et laisser Chris Froome courir. Chris Froome sera au début du Tour de France samedi. Mais il y a un petit goût dans ma bouche que j'aime pas. Il y a un petit goût qui s'appelle le doute que j'aime pas vraiment. Et malheureusement, à cause de l'histoire récente du sport, et récente que je pourrais parler même jusqu'à là, 19 ans, un certain Lance Armstrong, et depuis, plus rien n'est pareil. Même chose pour un Bradley Wiggins. Et maintenant, c'est Chris Froome. Est-ce que la sécurité de Team Sky et de Chris Froome peut être assurée? Il y a beaucoup de grogne chez les partisans. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une course de vélo. Mais c'est une histoire à suivre. Est-ce que le Tour va être seulement l'histoire de Chris Froome et tout le monde va parler de salbutamol et de Chris Froome? Est-ce qu'il va y avoir des petits puffers, des déguisés en inhalateurs sur le côté de la route? On va en entendre parler. Ça, c'est pas une histoire qui va arrêter demain matin. Le doute, malheureusement, il est là. Puis il n'y a pas grand-chose qui peut changer ça. Surtout quand Vous êtes sur une lancée que vous avez gagné le Tour de France, la Vuelta Espagnol, le Giro d'Italie, puis vous allez peut-être gagner encore une fois le Tour de France. Là. Toute une lancée qui n'a jamais été faite. On n'a jamais vu, à part Alessandro Petacchi, Marco Pantani en 98, qui avait gagné le Giro d'Italie et ensuite le Tour de France. Et on sait très bien que Marco Pantani n'a pas gagné son Giro d'Italie et son Tour de France clean, mort d'une overdose quelques années plus tard, overdose de cocaïne, mais qui a été pris pour dopage plusieurs fois durant sa carrière. Donc oui, les suspicions sont là. Est-ce qu'on a des preuves? Est-ce qu'on a présentement c'est des allégations qui ont été blanchies? Mais le doute, il subsiste. Le doute, il est là. Puis moi, ben c'est tout ce qu'on Chris. En 2018, tout compte Chris. J'espère que le monstre à trois têtes de Movistar, malheureusement, qui n'est pas nécessairement mieux, parce que si vous connaissez un petit peu l'historique de Valverde, c'est pire. Valverde a été pris pour dopage le 10 ans. Donc, oui, on parle ici d'une histoire complexe et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais moi, pour la beauté du sport, j'espère qu'un Tom Dumoulin va être capable de réussir l'improbable et de gagner un grand tour, gagner le Tour de France pour un contre-la-montre. Ça serait chapeau. Et Tom Dumoulin est le coureur à laquelle je me range derrière. Et je souhaite un bon tour à tout le monde. Premièrement, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ceux qui nous écoutent en direct présentement, ceux qui vont nous écouter sur le balado de diffusion, ça va être disponible sur le sportspodcastingnetwork.com, disponible aussi sur iTunes, Balado Québec, partout où vous avez vos balados de diffusion dans les prochaines journées. Et on se revoit le 7 juillet au soir, après la première étape, avec la deuxième épisode, mais le premier épisode quotidien de C'est à ton tour qui commence en fin de semaine. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, à commercial Kev Laramé, sur Facebook Kevin Laramé ou sur Instagram aussi, @Kev Laramé. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bon vélo!